The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Words. Les propos. Promise. La promesse. Vote. Le vote. Candidate. Le candidat. Program. Le programme. Duty. Le devoir. Lightly. À la légère. Compulsory. Obligatoire. Freedom. La liberté. To adhere. Adhérer. Policy. La politique. To cast a blank vote. Voter blanc. To wait in line. Faire la file. Now, a bit faster. Vote. Le vote. Policy. La politique. To adhere. Adhérer. Words. Les propos. Promise. La promesse. To cast a blank vote. Voter blanc. To wait in line. Faire la file. Policy. La politique. Vote. Le vote. Policy. La politique. To wait in line. Faire la file. Promise. La promesse. Program. Le programme. To wait in line. Faire la file. Vote. Le vote. Program. Le programme. Words. Les propos. Freedom. La liberté. Duty. Le devoir. To wait in line. Faire la file. To cast a blank vote. Voter blanc. Duty. Le devoir. To cast a blank vote. Voter blanc. Freedom. La liberté. Policy. La politique. Freedom. La liberté. Candidate. Le candidat. Now, use the words in context. Les propos. He always has foolish arguments. Il tient toujours des propos insensés. Le devoir. As a citizen, I consider voting a duty. En tant que citoyen, je considère voter comme un devoir. À la légère. They're taking her testimony too lightly. Ils prennent son témoignage trop à la légère. Adhérer. I adhere 100% to that line of thinking. J'adhère à 100% à ce mode de pensée. Les propos. He always has foolish arguments. Il tient toujours des propos insensés. Le devoir. As a citizen, I consider voting a duty. En tant que citoyen, je considère voter comme un devoir. À la légère. They're taking her testimony too lightly. Ils prennent son témoignage trop à la légère. Adhérer. I adhere 100% to that line of thinking. J'adhère à 100% à ce mode de pensée.